moi pour les bras, ne voulez pas de la Vénus de Milo. Moi, c'est ma tête qui servit pour la victoire de Samothrace, qui sûrement aura sa place au musée du Louvre à Paris. Moi, je le dis avec fierté, oui, pour le postérieur, je pose. Et je suis fière que cette chose passe à la postérité. Oui, nous sommes les petits modèles, à notre avenir toujours fidèles. Nous posons les statues chez Monsieur Fifi. Hélas, nous n'avons pas encore la gloire, cet apprentissage de l'histoire. Grâce à nous, c'est la gloire, il en aura que le profit. Mes enfants, vous avez toutes des membres qui feraient la gloire d'un institut de beauté, mais vous n'avez pas la beauté qui ferait la gloire d'un membre de l'institut. Ah, ce que je suis fou aujourd'hui. D'ailleurs, je cherche quelqu'un pour me poser la vertu. Je crois que ça vous sera difficile. Mais pour ce personnage sans défaut, j'ai trouvé la femme sans pareil. Oui, sans pareil.